Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Njaso enudo sofion, olayo enwobin konam. Njaso enudo sofion, olayo enwobin konam. La clé. Sanflieya. Sanflieya. Le verre. Sinukopweya. Sinukopweya. La montre. Watieya. Watieya. Les lunettes. Chichieya. Chichieya. Le téléphone. Alokaeya. Alokaeya. Le peigne. Ayaeya. Ayaeya. Les ciseaux. Ciseaueya. Ciseaueya. Le rasoir. Rasoaeya. Rasoaeya. L'enveloppe. Enveloppeya. Enveloppeya. Le crayon. Nungonotieya. Nungonotieya.